SKA, TTHC, 2M, 2O, Zenzone et Brax. Elle fait une masse, HNT, 1, 4, 7, 6, ouais. Issu du 76 et 2M, celle de Zelizieux, notre hip-hop on s'aime. Autant qu'il sincère et profond comme la scène. Pays ça sème, ça sème, je veux qu'on presse et qu'on s'aide. Sans que dans la bataille, là nous sait, tout ça semble évident. Ici là-bas, y'a trop longue dent. Même cause, même combat, depuis longtemps. Savoir d'autant, son pareil, j'suis pareil, taille, pareil, t'entends. Connexion ouragan, écoute grand, et t'es maman gabarit. J'ai pas le prestige d'un gars de Paris. On rêve tous d'être riche comme Brian de Palma. J'vague à part le mic, à sauce de saute, c'est mal pas. Man, c'est pas. 5 pistes pour 5 quartiers, je pisse sur les politiques qui s'enspiffent, qu'on s'enlise. A fond, sur le bitume, l'habitude, sur le beat, on avance, on abîme, tout jeune. Insolent, envers la police, un trottoir à leur dispo. Mon possier à 200, effet de masse, on reste dispo. Laisse-nous faire que du vrai, pas de faux pas, sans à 7 heures, ni de faux pas. C'est chaud là, dans la cabine, la force dans la canine, même si monter de la carabine. Alors, déchire la camisole, regarde, trop de soucis, dur comme la camisole. Sans elle, on ne peut pas s'endormir sans elle. Difficile pour s'envoler, pour s'en sortir à cette époque. Impossible s'envoler, désormais dans nos blocs, les gosses sont en manque de connaissances. La soif de l'or, le rap, mon sixième sens en 2007. En sursis, à ce point-là qu'on est tous fichés, coupables. C'est comme ça qu'on est tous un monde meilleur, c'est ça qu'on veut tous rayer la guerre et la misère qui marque notre univers issu. C'est quoi et trois mois, sort le rap de son écran. Coup de cran d'arrêt dans l'écran. Ce qu'on écrit, c'est nos vies, ce qu'on décrit, c'est ainsi. Écoute 5 MC sous tension, MC on débarque simplement pour te mettre à l'aise. C'est E de MHNT, code 1460. Ce qu'on a écrit, c'est nos vies, ce qu'on décrit, c'est ainsi. Écoute 5 MC sous tension, MC on débarque simplement pour te mettre à l'aise. C'est E de MHNT, code 1460. On débarque, tout débarque, des gosses qui cherchent, qui tapent plus motivés par l'expression que l'impression. Je t'exprime mes impressions, ce qui nous blase et ce qui nous blesse. Blasé comme un toutou de nous sur 5 mètres carrés, on laisse plus rien m'étonne, je m'attends à tout et à rien. Y'a trop de blaireaux autour de nous qui lâchent des promesses en l'air. Faut que tu les vois, observe et vois comment ils nous vendent du rêve. Non-stop, une douce en grève, pour nous croyances de plus en plus brèves. On se pise, on se contente des miettes car on a la dalle. Prends, on aimerait faire autre chose que des mixtapes illégales. Dur, dur de faire du pura quand la maille ne suit pas. Faut voir les gueules qu'on fait, les gueules qu'on tire à chaque fin du mois. Y'a pas à dire, c'est le cash qui les fait rire. Y'a pas à dire, c'est le cash qui les fait souffrir. Quand les uns divaguent et les autres se stabilisent, les amitiés se fragilisent, corrompues par la crise. On arrive sans laisser passer, un son à laisser passer, sans récipicer. Tonne et tonne de rimes pour l'info, pour la forme. Effet de masse, ma réforme, on transforme le beat. Mes tirs sont énormes, pars-toi d'ici, MC sous caution. Ce qu'on sort, ce qu'on serve, sans date de péremption. Le jour ta rédemption a sonné, elle est proche. Je m'attraque les faux MC à coups de pioche. Y'a pas me dire que c'est pourri, si t'as mon skull dans la poche. Dans ma tête, c'est vide, c'est trop noir. Je viens amnésique comme Garcia dans la boîte noire. Du 1-4 au 7-6, le combat reste le même. Dans la rue, l'auteur reste la même. E2MHNT, je ramène un zeste de vérité pour tous ceux qui cherchent à palper grave. Pendant que des jeunes tapent le beat, tu me graves. Sache que j'ai pas de sérum, c'est vrai, mais je reste vrai. Si Rima ne pas prendra à la légère, on s'empresse de miser gros sur nos avenirs. Si t'as pas encore compris, c'est ton dernier jugement qui reste à venir. Ce qu'on écrit, c'est nos vies, ce qu'on décrit, c'est ainsi. Écoute 5 MC sous tension, MC on débarque simplement pour te mettre à l'aise. C'est E de MHNT, code 1460. Ce qu'on a écrit, c'est nos vies, ce qu'on décrit, c'est ainsi. Écoute 5 MC sous tension, MC on débarque simplement pour te mettre à l'aise. C'est E de MHNT, code 1460. Est-ce littérature, en solitaire je rature mon papier. Trop de cynisme sans métier, mais ma satire sature. Anti-sarkoziste, 5ème république en 2006, égale anachronisme. Demain en 2007, ça sent pas l'année aux mille fêtes. Dans le rap, j'ai pas le profil, mec. Comme une moumoute sur la soupe, t'assommes. Le blanc bec benzène. Et le keuf, le code pénal, c'est pas Mike Hanf, sois zen. Y'a pas nos têtes à la une, pas de scoop, mais c'est la coloscopie. Même les coloscopies, pendant que tu bosses, cotise. Ma voix, le beat baptise. L'antipathie des gens engendre mon apathie. Et l'éthique futile, kick de type futé. Effet de masse, HNT, HN ou double clic utile.